30 avril 1838. Hélène est de plus en plus mal. Belwer n'y comprend rien. Il me dit qu'elle souffre d'une maladie inconnue, ou en tout cas que ce sont des troubles nerveux d'une violence rare qui la font ainsi souffrir. J'ai peur de deviner. Knock m'a dit ce matin. Et votre client du pays des fantômes, ne m'en parlez pas. Vous êtes bien ingrat. Vous avez fait une belle affaire. Vous avez gagné plus de 10 000 couronnes et vous ne vous intéressez pas à lui, pas du tout. Je n'ai pas expliqué à Knock tout ce qui s'était passé au château d'Orlok, parce que je crains bien que les deux hommes ne soient complices dans une certaine mesure. « Nous allons le voir bientôt, » m'a dit Knock. « Qui, le comte ?»« Oui, vous en faites une tête. Ce n'est pas possible. Et pourquoi ? Il a acheté une propriété, c'est bien normal qu'il vienne l'habiter. » Je n'ai rien répondu, mais pour Hélène, j'ai bien deviné. Elle pressent la venue de Nosferatu. Je suis sûr que c'est cela. Non, je ne veux pas que cet homme vienne. Mon Dieu, protégez-nous, ma bien-aimée et moi, de ce démon. Je tuerai plutôt cet assassin.